Chapitre 3e. Civitavecchia, dans ce temps-là comme aujourd'hui, n'offrait guère à la curiosité du voyageur que son charmant petit port, un château marqué du puissant génie de Michel-Ange, et des boutiques occupées par des barbiers se livrant à la pratique de la chirurgie, ainsi que l'attestaient leurs enseignes peinturlurées. Scaramouche, en se promenant sur le port, admirait la belle tenue des galères du pape lorsqu'il aperçut, assis sur une pierre, deux esclaves turcs qui comptaient une somme d'argent. « Voilà certainement, pensait-il, une fortune dont ces mécréants ne sauraient faire un bon usage. Peut-être même est-ce un bien mal acquis, et ce serait conscience de le laisser dans ses mains impures. » Pendant qu'il faisait cette honnête et judicieuse réflexion, Scaramouche aperçut, à quelque distance derrière les deux esclaves, le morceau de toile dans lequel ils enveloppaient leur argent et qu'un coup de vent venait d'enlever. Prompt à concevoir un projet qui eût coûté à tout autre de longues méditations, il coupe avec son couteau le devant de sa chemise et le substitue adroitement au morceau de toile. Ce qu'il avait prévu ne manqua point d'arriver. Les Turcs, après avoir contemplé, caressé, compté et recompté le magot, se mettent à la recherche de l'enveloppe et, sans se douter le moins du monde de la supercherie, entortillent leur cher trésor dans le pan de la chemise de Scaramouche. Ce dernier, couché au soleil à quelques pas des deux esclaves, ne perdait pas un seul de leurs mouvements. Dès qu'il les voit se disposer à s'éloigner, il se lève et court après eux en criant « Je suis assassiné, ils m'ont volé, justice, justice, au voleur !» Des sbires accourent, ils arrêtent, dans la crainte de se tromper, le plaignant avec les accusés et les conduisent devant un juge qui les somme de s'expliquer. Alors Scaramouche raconte comment les deux esclaves, profitant de son sommeil, lui ont dérobé son argent enveloppé dans un pan de sa chemise. Il fait remarquer qu'il existe parité de tissu entre la chemise et l'enveloppe, et que celle-ci s'adapte exactement à la solution de continuité de celle-là. Les esclaves, abasourdis par de tels arguments, perdent la tête et battent la campagne, ce qui arrive à plus d'un innocent en présence de la justice. Bref, les volés sont condamnés à rendre l'argent et à être bâtonnés comme voleurs par-dessus le marché. Scaramouche, persuadé qu'il venait de gagner les indulgences en remportant cette victoire sur les infidèles, ne songea plus qu'à faire un emploi convenable d'un bien si légitimement acquis. Il se ressouvint alors qu'il était de noble origine et commença par acheter un galant habit de gentilhomme. Puis, ne voyant plus rien à Civitavecchia qui valut la peine d'être visité, il se mit en route pour Ancône.